ma paix, manger une bois. Bon, mon sonon, moi faire, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Qui sourit les dit, ça va faire la ma paix, manger une bois. Bon, mon sonon, moi faire, c'est moi jamais vieille pété, j'ai chat. Je moi pas de besoin manger ou si mando connaît c'est plaisant qui bigot comprendre c'est tout bon qui sourit assez manger grain quoi pour yo pas prendre dans belle ma pourri entrer dans yo qui pour yo pas bien pour gêné à la côte que suis à la côte que suis tout la journée. À la côte des souris, à la côte des souris, à la côte des souris, toute la journée. C'est tu, souris tout manger tout maya là maintenant là nous pas école encore là sous la manger maya là dans figure on peut pas dans rien ça dit là souris jade